Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 18 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Nadège. Le dicton nous dit « En septembre, tous les fruits valent le pendre ». Célébration internationale, journée mondiale du contrôle de l'eau et journée mondiale du bambou. Et dans les événements qui se sont déroulés un 18 septembre, en 1776, c'était la fondation de la ville de San Francisco et en 1981, c'était la loi sur l'abolition de la peine de mort en France votée à l'Assemblée nationale. Allez, tout de suite, on s'écoute un petit message d'intérêt général. Fluo, c'est quoi? C'est la nouvelle appli pour organiser tous vos déplacements dans le Grand Est. En quelques clics, trouvez des tarifs, horaires et itinéraires en temps réel, combinant tous les modes de déplacement. Train, tram, bus, vélo, covoiturage, autopartage, ainsi que toute l'info sur vos réseaux de transport. Rendez-vous sur www.fluo.eu ou téléchargez l'application. Fluo, l'appli de tous vos itinéraires en région Grand Est. Voilà, et on va continuer avec Chris qui va parler d'un déplacement de foot organisé le 22 septembre. David Jean-Georges par téléphone pour nous parler d'un bus des Vosges pour Lyon PSG du 22 septembre. Bonjour David. Bonjour. Alors pouvez-vous nous parler de ça, de cet événement ? Eh bien, donc, on organise un nouveau déplacement pour aller voir un match intéressant, donc le 22 septembre à Lyon. Un choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. D'accord. On sera placé en tribune Paris Saint-Germain. Et on part d'Épinal à midi, depuis le parking Intersport, près de Carrefour. On s'arrête à la gare des Lois à 12h15, à la gare de Rémy à 12h25, au centre d'Io à 12h45. On peut aussi s'arrêter à Busson après à 13h. Et on s'arrête ensuite en Alsace et dans le territoire de Belfort. Et pour finir à Besançon. Pour aller ensuite à Lyon, enfin à Lyon vers 19h et on reviendra donc après le match. Et le match a lieu à 21h et donc on revient au retour au bus vers 23h, 23h30 pour revenir dans les Vosges entre 4 et 5 heures du matin. D'accord. Et on propose le tout à 65€, c'est-à-dire le déplacement en bus aller-retour, l'entrée au stade et puis on offre également une ou deux boissons à toutes les personnes qui viennent. Je précise que c'est ouvert à tout le monde, simplement si un mineur vient, il doit être accompagné d'un majeur. On peut donc, c'est un bus, on a une soixantaine de places pour aller voir ce match. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui ont été réservées. Il reste donc des places pour aller voir ce match de Ligue 1 le 22 septembre à Lyon. D'accord. Si nous voulons plus de renseignements, comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Ben, les gens peuvent m'appeler donc sur le 06 82 96 99 58. Avez-vous une adresse mail à nous communiquer ? Non. Ensuite, on ira voir deux autres matchs. On va aller voir le match France-Turquie le lundi 14 octobre. Et puis ensuite, on ira voir le 27 octobre le match PSG-OM au Parc des Princes. Voilà. D'accord, donc vous n'avez aucune adresse mail à nous contacter. Une adresse mail, oui. Si, une adresse mail, bah, il n'y a pas de problème. Donc il peut m'écrire sur Jean-Georges, donc mon nom, hein, Jean-Georges, J-E-A-N-G-E-O-R-G-E-S. Il y a un D comme David attaché, jeanjorgesd@wanadoo.fr. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de cet événement. Et surtout, si vous avez un autre événement bientôt à nous communiquer, ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ben, on n'hésitera pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà pour ce déplacement footballistique. On va tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur Frankie Avalon et son titre « Vénus ». Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. That I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall. Frankie Avalon sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 18 septembre 1939, naissance de Frankie Avalon, chanteur américain. 1971, naissance de Jada Pinkett Smith, actrice américaine, vue dans Le Professeur Folding dans le rôle de Carla Purti. Scream 2, Ali, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions dans le rôle de Niobe, Collateral, Magic Mike XXL, Bad Moms, La Chute du Président, la série télé Hawthorne, infirmière en chef dans le rôle de Christina Hawthorne, ou encore Gotham dans le rôle de Fish Money. 1972, naissance de Michael Landes, acteur américain, vu dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman dans le rôle de Jimmy Olsen, Spécial Unité 2 dans le rôle du détective Nick O'Malley, vu également dans Les Experts ou encore Ghost Whisperer. 1973, naissance de James Marsden, acteur américain connu pour son rôle de Scott Summers alias Cyclope dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final, X-Men Days of Future Past, vu également dans Nous N'oublie jamais dans le rôle de Lon Hammond Jr., Superman Returns, 27 robes, le majordome dans le rôle de John Fitzgerald Kennedy. 1977, naissance de Barrett Foa, acteur américain connu pour son rôle d'Eric Bild dans la série télé NCIS Los Angeles. 1981, naissance de Camille Combat, l'animateur français qui était chroniqueur dans Touche pas à mon poste, ensuite animateur de L'œuf ou la poule, il en pense quoi Camille. Depuis 2018, il présente Danse avec les stars, qui d'ailleurs marquera bientôt son retour, hein, c'est ce samedi. Et depuis 2019, il remplace Jean-Pierre Foucault à la présentation de Qui veut gagner des millions. 1986, naissance de Renaud Lavillenie, perchiste français, champion olympique à Londres en 2012. Au JO, il compte également une médaille d'argent, détenteur du record du monde du saut à la perche. Depuis le 15 février 2014, au championnat du monde, il compte une médaille d'argent et 4 de bronze. Championnat du monde en salle, 3 médailles d'or. Au championnat d'Europe, 3 médailles d'or et 1 de bronze, et au championnat d'Europe en salle, 4 médailles d'or. 1989, naissance d'Edwin Jackson, basketteur français professionnel depuis 2007, ayant joué à l'ASVEL, Nanterre, Rouen, de nouveau à l'ASVEL, à Barcelone, à Unicaja Malaga, à Estudiantes Madrid, à Guangdong Southern Tigers, de nouveau à Barcelone, au Budućnost Podgorica. Et pour cette saison, il joue de nouveau pour l'ASVEL. 1991, naissance de Jérémy Douillet, fils de David Douillet, basketteur français, professionnel depuis 2011, ayant joué à Nantes, Chartres, entre 2014 et 2015, il a joué au Jet Vosges, ensuite il a joué à Ruel, ensuite à Angers, de nouveau à Ruel, et depuis 2018, il joue à Chalon. 1992, naissance de Timothée Nguessan, handballeur français, qui de 2011 à 2016 a joué à Chambéry. Depuis 2016, il joue à Barcelone en équipe de France. Il est médaillé d'or au championnat du monde 2017, mais il y a des médaillés d'argent au JO de 2016, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2018, ainsi qu'au championnat du monde 2019. 1998, naissance de Théo Fernandez, acteur français connu pour son rôle de Donald dans Les Tuches 1, 2 et 3, vu dans une des toutes nouvelles versions de La Guerre des Boutons dans le rôle de Papier Mâché, et en 2018 vu dans Gaston Lagaffe dans le rôle de Gaston Lagaffe. En 1970, décédé Jimi Hendrix, chanteur guitariste américain. En 2000, décédé Gilbert Carpentier, producteur d'émissions de variété français très populaires dans les pays francophones des années 50 aux années 90. Et en 2010, décédé Patrick Saint-Éloi, chanteur et meneur du groupe Kassav. Avant de s'écouter Jimi Hendrix,

Et voilà, c'était Jimi Hendrix sur le 107 FM, un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 9 et 10 degrés pour ce matin, entre 19 et 21 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi et vendredi, ce seront des belles journées ensoleillées également, avec pour jeudi des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi, et pour vendredi entre 6 et 7 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Ligue des Champions, et c'est pas très joli pour nos clubs français. L'Olympique Lyonnais a fait match nul hier, un partout face au Zénith Saint-Pétersbourg, et Lille s'est incliné 3-0 à l'Ajax d'Amsterdam. L'équipe de Chelsea d'Olivier Giroud s'est inclinée à domicile 1-0 face à l'équipe de Valence, et l'équipe du FC Barcelone d'Antoine Griezmann a fait match nul à Dortmund, 0-0. Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Real Madrid. L'équipe de Tottenham d'Hugo Lloris se déplace à l'Olympiakos, et la Juventus de Turin de Blaise Matuidi et Cristiano Ronaldo se déplace à l'Atlético Madrid. Un mot de basket avec la Coupe de France et défaite du Jet Vosges face à Souffel-Weyersheim 75-79, et victoire de Nancy à Kaisersberg 65-100. Un mot de tennis avec les tournois féminins d'Osaka et de Guangzhou, où il n'y a plus de Françaises en compétition, puisqu'à Osaka, hier, Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7 face à Vekic, 7-5 6-2, et Melanie Novic s'est inclinée en 2-7 face à Doi, 6-1 6-2, et à Guangzhou, Ferro s'est inclinée en 3-7 face à Zavatska, 5-7 7-6, 6-4. À Metz, ça se passe plutôt pas mal pour nos Français, puisque hier, Barère s'est qualifié en 2-7 face à Urquaz, 6-2, 6-2. Herbert qualifié en 2-7, 7-6, 6-4 face à Struff. Richard Gasquet qualifié en 3-7 face à Granelers, 4-6, 7-6, 6-4. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 3-7 face à Andurar, 3-6, 6-1, 6-2. Seule élimination côté tricolore, elle nous vient de Rouman qui s'est inclinée en 2-7 face à Bédéné, 6-4, 6-4. Au programme d'aujourd'hui, des duels franco-français entre Ohang et Barère, et entre Benoît Paire et Richard Gasquet. Il y aura également Gilles Simon face à Copil, et Hugo Humbert opposé à Madden. Et à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, Adrian Manarino affrontera Gerasimov. Et un mot de volley, championnat d'Europe. Ce soir, la France aura un gros match à disputer face à l'Italie. Avant de passer la dernière pause musicale, on s'écoute une petite annonce concernant l'exposition de Valence Cabarari. Écoutons Valence Cabarari, qui sera présent à la médiathèque intercommunale des Hauts-de-Vosges, place de la Libération, à Vanier, très prochainement. Bonjour, c'est Valence Cabarari, l'auteur du livre Vivant, donc sur le génocide contre les Tutsis du Rwanda, où je raconte mon histoire. Vous pouvez me retrouver dans une conférence le 19 septembre à 17h. Et vous pouvez aussi trouver une exposition sur Rwanda 94 à 2014 à Vanier, au même endroit, à partir du 10 au 24 septembre. Ah ben voilà, c'est fini. Voilà donc pour l'exposition de Valence Cabarari. On s'écoute tout de suite le groupe Kassav avec Siéboué. Thank you. Et voilà pour le groupe Cassave, c'était le côté des îles avec ce beau soleil en ce moment. C'est vrai qu'on se croirait encore en été, mais l'automne approche à grands pas. Allez, il est 8h55 et c'est déjà la fin de cette émission. On fait tout de suite un point sur ce qui vous attend. À 10h, ce sera le retour des ados. 11h30, en route vers l'insertion. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Vivre Créé à la montagne. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et on va se quitter après avec Lia qui va nous parler du son et lumière de la ferme équestre des Granges de Franouf. Excellente journée à tous.